plaisir. Vénal ou satire, au final, inivaginable. Des mégères, oui, mais que des majeures, car je crains les congénères du code pénal. Mais les yeux plus malicieux que vermeils, d'une Alice au milieu de deux âges merveilleux, mieux au doux visage qui m'émeut, au mignon minois où je me noie, minot, maquignon, eh, fourvoie mon champignon que je vois vermillon, vers minuit et des millions de poussières. Vaillante paupière, dans la rosée du matin, elle me teinte à peu près cette langue, ses flancs, terres exsangues, rutilées encore, se ruer dès lors vers des piques étreintes d'une époque année 30. Sexuelle de cette nuitée, des fresques sexuées et ponctuées de cris fantastiques, hennies ou presque huées. Des culs au cou, mosaïque de couleurs, avec des goûts, avec douleur sur des rythmes mozambiques et des rimes alambiques, nous sommes tombés du paddock aussi sec. Tombés les masques avec, au-delà de cette chevauchée fantasque, phénoménale, j'entrevis telles des images subliminales, les trompes de la suce nommées par rire leur hymne séminal. Faisant fi de tout trou, je repartis sans froufrou. Eh, me fis maquisard pour me perdre au hasard d'un chemin, d'un chenal tel un puisard jusqu'à la source du plaisir frénétique de cette nappe nymphéatique. Venez rien, maladie qui l'attire. Je ne vénérais rien de plus que son emprise empire. Elle, fanule, insatiable depuis toujours. Elle, fanée, vénéneuse avant que d'éclore. Elle, capitula devant ma pine capitale. Inivaginable, non? See?